On est chez la famille, hein. Mais ça à la prod, Seigneur El Khalif aux manettes. Eh, c'est le freestyle. Ah. Le soir j'écris, je pense, je me bute au shit. Y'a certaines fois où je me surprends car je n'ai plus de logique. Y'a pas que sur mon cahier de brouillon que j'ai fait des ratures. Je vais pas me servir du rap pour faire le fédérateur. Je me vois mal cracher mes morceaux dans un opéra. Les crier comme un pansement, ma douleur est inopérable. Vous attendez tous de la gaieté dans mes propos. Quiproquo, je pleure encore mes proches partis trop tôt. Solo, j'erre, tâche de sang sur le balacoste. Solitaire, je mate le ciel, je pense au daron et je parle à Cox. Le mal-être nous unit, parle-en à quelques-uns de mes sauces. La traîtrise commence souvent quand c'est la fin de pesos. Si vous saviez comme je m'en veux quand je vous déçois, c'est naze. Ma vie est un gros brouillon et son schéma fait mal. Je n'imagine pas ma tête sur un poster. Je préfère rester en bas de l'échelle qu'être un poster. C'est tellement dur d'être direct dans le silence. J'espère un jour voir ce monde être en paix. Les pieds en terre dans le ciment. Je garde le sourire même si mes yeux sont trempés. Eh mais tu sais frère, j'ai le cœur qui saigne, je suis pas tout seul. C'est pas sur un titre que je te dévoilerai un quart de ma life. Frère, j'ai peu de repères et plus de boussole. Mais faut vivre sa vie avant de finir sur un brancard malade. Je raconte pas de salade, ma vie je l'éternis et je m'éternise. À faire en sorte qu'un jour les soucis se terminent. Mon papa me manque, des fois ouais je l'appelle fort. J'ai pas de réponse donc je me remets à ma pelle forte. J'ai de la peine fort et ça je peux pas le nier. Le sourire sur ma mère vaut mieux que vos selfies sous vos palmiers. J'ai de la peine fort et ça je peux pas le nier. Le sourire sur ma mère vaut mieux que vos selfies sous vos palmiers. Ouais, longtemps j'ai cru m'en sortir grâce à mes valeurs. Des sujets vite compris que c'est pas ça qui paye. Ils m'ont vu sourire même quand ma vie c'était le malheur. Devant eux je fais semblant comme si ça clipait. Ouais, longtemps j'ai cru m'en sortir grâce à mes valeurs. Des sujets vite compris que c'est pas ça qui paye. Ils m'ont vu sourire même quand ma vie c'était le malheur. Devant eux je fais semblant comme si ça clipait. Ce texte est fondé au fond d'une monde des hauts. J'ai demandé aux gens leur idéaux. Ils disent que ce monde est haut chez moi. Je marche pas mes mots, je cache pas mes mots. Je veux cache l'animo, la tête sous l'eau. Je clash pas mes mots, je lâche l'animo. Cité intérieure, on me dit malgré ta tonne de chagrin intérieur. Derrière ma peine se cache de l'hystérie. Heureusement je suis pas seul, j'ai retrouvé l'ami terrible. Écoute mon historique, y'a des passages pires qu'horribles. Et parfois je veux me trancher les veines à l'aide d'un bistouri. Oui j'écris tout ça seul, pas comme les Rita Mitsuko. Et je comprends celles qui veulent pas d'un petit ami Mitsuko. Faut pas se faire embobiner, vaut mieux être seul qu'en binôme. Tu pourras pas rembobiner les faits comme un son de Bambino. La terre meurt, on le dit pas que dans les médias, dans l'immédiat. Je pars en couille car je perds de vue ma ligne médiane. Pendant que tu roules en carrera, des caméras, on se calmera pas. Tant qu'on nous surveille avec des caméras, moi je paie le prix fort pour des erreurs qu'on subjuguait. Des juges incompétents qui eux n'ont pas su me juger. Comme Soxy, je saigne, mon sang s'oxyde. Je vois noir, tout noir, et pas prendre comme Foxy et Foxy. Tu piges pas, viens inspecte ici. Les stars pas le frappe et nous gaz à l'insecticide. À part de Karcher, Macron instaure la propreté. Moi dans mes raps sales, je représente la pauvreté. Quand ils voient un pauvre briller, ils veulent se l'approprier. Y'en a contre ouvriers, ils se sont tués à trop prier. J'étouffe le beat, Lego, bouffer des beats pour trouver le bif. J'ai prouvé la vie avec le bic, je m'ouvre le beat, j'en prouve le vide. J'ai trop la dalle, même en taffant, je gagne pas un écu. J'taffe le mental, y'a du talent, on n'est pas inculte. Ouais, longtemps j'ai cru m'en sortir grâce à mes valeurs. Des sujets vite compris que c'est pas ça qui paye. Ils m'ont vu sourire même quand ma vie c'était le malheur. Devant eux je fais semblant comme si ça clipait. Ouais, longtemps j'ai cru m'en sortir grâce à mes valeurs. Des sujets vite compris que c'est pas ça qui paye. Ils m'ont vu sourire même quand ma vie c'était le malheur. Devant eux je fais semblant comme si ça clipait.